L'actualité à Nancy et ailleurs. 30 ans, c'est un bel âge et c'est ce que va fêter l'association Microtel. Ce sera les 17 et 18 mai. C'est à Rosières-aux-Salines. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Maëlle et Thierry. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Parlons un peu de l'histoire de cette association. Alors déjà, en une phrase ou deux, c'est quoi Microtel ? Le but, c'est de permettre à toute personne qui ne connaît pas l'informatique ou qui la connaît un peu, d'appréhender cette grande science, entre guillemets, qui permet maintenant au monde de faire tellement de choses et surtout de prendre du plaisir, parce que c'est un peu ça le souci, c'est que souvent on voit l'informatique comme quelque chose d'un peu rebutant, contrariant, et en fait, il faut l'apprendre avec le sourire. Et alors, c'était cette idée il y a 30 ans ? Il y a 30 ans, effectivement, avec mon copain Jean-Paul Basset, on était dans l'idée de créer une association regroupant des jeunes et des moins jeunes. Et en observant, on s'est aperçu que l'outil informatique, on s'est dit, ça va être l'outil prédominant. Tout le monde y passera, on n'aura pas d'alternative, les générations devront s'adapter. Et on s'est dit, mais comment vont faire nos parents, nos grands-parents ? Et du coup est venue l'idée de créer un club informatique. Et on a fait une rencontre hyper importante qui nous a permis d'accélérer le mouvement. Et j'ai une pensée pour cette personne qui n'est plus, mais qui a été vraiment notre mentor. Il s'appelait du moins Roger Schott et il travaillait à la Poste. Et c'était un informaticien qui était très ouvert, très pédagogue et qui a permis la création de plein de clubs Microtel en Lorraine. D'où la fédération Lorraine des clubs Microtel et tous les clubs Microtel qu'on peut trouver dans l'Est de la France. Et un peu partout aussi ailleurs. C'était précurseur en 1995, hein, c'est ça ? C'est ça, tout à fait, sachant que Microtel existait déjà à Nancy, mm-hmm. hein, donc sous une appellation un peu plus longue, parce que ça regroupait en fait plusieurs collectifs. Il y avait l'Amicale de la Poste, il y avait des gens de France Télécom, il y avait des personnes de l'Éducation nationale, donc ça regroupait vraiment un gros pôle sur Nancy. Et Roger nous a permis en fait de nous booster assez rapidement, puisque à l'époque, un ordinateur, ça coûtait très cher. Et en même temps, pour convaincre la municipalité et les personnes de nous suivre, il a été un grand acteur dans cette création en 1995. Parce que ça commençait seulement à se démocratiser un peu hein, à cette époque. L'ordinateur, ça arrivait un peu dans tous les foyers, mais ce n'était pas encore le cas. Oui, parce que je le dis toujours encore aux gens aujourd'hui, les gens qui ne se rappellent plus, un ordinateur, c'était plus qu'un salaire à l'époque. C'était pas possible pour la plupart des familles d'acquérir un matériel de ce type-là, avec une performance en plus très très modeste, hein, puisque là justement on va profiter des 30 ans pour rappeler tout ça et montrer les ordinateurs de l'époque, que ce soit des Amstrad, des Amiga, enfin les premiers ordinateurs qu'on a pu toucher. Et c'est vrai que du coup, quand je vois le prix de l'informatique maintenant, je dis on est quand même plutôt gâtés, et tant mieux, parce que ça permet à tout le monde de pouvoir utiliser cet outil. Et donc, 30 ans après, l'association est toujours là. Qu'est-ce que vous faites un peu comme activité aujourd'hui ? Toujours de l'apprentissage ? Vous avez plusieurs ateliers ? On a un atelier, qui est le plus important, c'est justement l'apprentissage. On initie des personnes qui n'ont jamais touché un ordinateur. C'est une mission pas facile, parce mm-hmm. qu'il faut s'armer de patience, il faut répéter, modifier ses explications. Donc là, la pédagogie est vraiment importante et la patience. Parce qu'il faut comprendre que ces personnes-là, elles n'ont jamais été à l'initiative de l'informatique, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais été motivées, que ce soit personnellement ou professionnellement. Elles le subissent plus qu'elles ne le vivent. Voilà, donc pour éviter de subir, on essaye de leur montrer que c'est un outil plutôt sympathique et qu'on peut le dompter. Et il y a beaucoup de gens qui se prêtent au jeu. On a une grosse session le jeudi matin, par exemple, où on a 18 personnes. Et 18 personnes qui viennent à chaque session. Donc c'est même fou, parce que de se dire qu'il y a cet engouement, c'est plaisant. Au moins, on sait pourquoi on est là depuis 30 ans, parce que c'est encore d'actualité. Et c'est souvent des personnes d'un âge certain ou pas forcément ? On va dire honnêtement que la jeunesse, on a un peu plus de mal à la toucher, oui. Sauf quand on fait du rétro gaming ou du jeu en réseau. Là, effectivement, on peut les approcher. On a eu une des premières sessions de jeu en réseau dans les années 90. On était le premier club de Lorraine à faire du jeu en réseau. C'est notre petite fierté avec Jean-Paul. Hein. On s'est amusé déjà à deux, puis après on a démocratisé ça. Donc on a eu des belles années parce que à l'époque, le jeu en réseau pouvait se pratiquer dans une salle assez facilement. Maintenant, tout est en ligne. Vous avez des applications qui sont en ligne, les gens sont derrière leur écran, mais chez eux, il y a plus cette notion de partage, donc c'est un petit peu différent. Donc de temps en temps, on fait des sessions pour rappeler les personnes et revenir à ce qu'on a connu dans les années 2000 en fait. Maëlle, quelque chose me dit que vous n'étiez pas là il y a 30 ans. Non, effectivement. Comment vous avez connu cette association? Eh ben, forcément par le biais de mon père. Il n'y avait pas trop eu le choix. Mais j'ai décidé que plus tard de m'engager. Parce que je les ai connus quand on faisait des événements. Je sais qu'on fait toujours un barbecue pour fêter avec tout le monde. Et moi, depuis toute petite, j'y étais. Donc j'ai connu les personnes. Enfin, c'est une famille, en fait. C'est une grande famille. Donc j'ai fini par y plonger un peu plus tard. Là, j'ai commencé cette année à donner des cours. Donc je donne des cours téléphone et tablette. Ça m'amuse beaucoup. Ce qui m'a plu, moi, d'abord, c'est la richesse des gens. On a plein de gens, ils sont formidables. Ils sont tous talentueux, ils sont tous marrants. Enfin, il y a un partage incroyable. Mais des fois, ça doit être un peu compliqué parce que faire assimiler certaines pratiques, certaines bases, ça doit pas forcément toujours être facile. Nos deux contraintes actuelles, c'est qu'effectivement, déjà, on est beaucoup, oui. Ce qui est bien. Mais du coup, il faudra peut-être qu'on pense un jour à changer nos locaux. Des fois, ils sont très dissipés, donc on est obligé d'avoir une petite cloche, de sonner de temps en temps, mais même avec la cloche, ils n'écoutent pas. Et la contrainte de base, c'est qu'effectivement, oui, c'est un état d'esprit différent. Les téléphones, les tablettes, les ordinateurs, c'est un tout autre monde. Et moi, étant plongée dedans depuis que je suis petite, j'ai pas eu le choix, entre guillemets, de le connaître. Et en même temps, c'est une richesse. Et ça apprend la patience. C'est ça. Et j'ai pu apprendre que de moi-même. Je sais que c'est un peu ironique parce que mon père est informaticien, mais c'est toujours l'histoire du cordonnier le mal chaussé, quoi. Mon père est informaticien, mais je lui ai presque jamais rien demandé. J'ai un peu tout appris de mon côté avec mon frère. Donc étant plongée dedans, j'ai pas le choix que d'aller chercher de moi-même, savoir comment ça marche. Et ça, les personnes âgées, des fois, elles ont peur. Elles ont peur d'aller chercher, de faire une bêtise. Donc du coup, ils ont pas l'état d'esprit du « je me débrouille, je cherche moi-même ». Ils préfèrent remettre à plus tard, et effectivement, demande aux petits-enfants, quoi. Microtel a encore de beaux jours devant elle, l'association, hein, qui fête donc ses 30 ans les 17 et 18 mai. Alors, dites-nous un peu de quelle manière, vous avez parlé de rétro gaming, de faire sortir du musée peut-être des vieux appareils. Qu'est-ce qui va se passer lors de ces deux journées? On va faire un atelier traitement photo, un atelier montage vidéo. On a commencé à installer un Fab Lab avec une imprimante 3D, rien d'extraordinaire, mais on montre quand même ce que c'est, ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Et on a depuis peu une graveuse découpeuse laser. Donc on va montrer toutes ces activités. Bien évidemment, il y aura du rétro gaming et du jeu en réseau. C'est-à-dire on va proposer à des gens de faire une partie à 4, par exemple, d'un vieux jeu. Voilà. Et pour rappeler en fait un peu tout l'historique, tout ce qu'on a pu faire. Et il y aura des rétrospectives, des vidéos, il y aura un étalage de photos assez important pour montrer aussi les autres activités extérieures, comme disait Maëlle, avec le barbecue. Ça, c'est un principe dès qu'on peut, que la météo nous l'autorise. On fait un repas champêtre, on profite. Et ce qui ressort de tout ça après 30 ans, c'est ce que Maëlle disait aussi, c'est le côté humain. En fait, on permet à des personnes de sortir de chez eux. Et ça, c'est important parce que souvent, on s'aperçoit que les personnes d'un certain âge restent un peu recluses. Elles évitent de sortir, elles ont peur de l'autre un petit peu. Et là, en fait, avec cette ambiance, on arrive à les sortir. Et ça, c'est important. C'est vraiment une mission sociale qui nous paraît très importante parce qu'un jour, on sera à leur place. Voilà. Ouais, puis ça casse cette image de rester derrière tout seul chez soi, derrière son ordinateur. Là, pour le coup, on vient partager et échanger. Tout à fait. Cette vie associative, elle prend pleinement son sens avec ce que vous évoquez, là, ces barbecues, enfin, tout ce qui peut se passer en dehors de la vie de l'association. Oui, c'est vraiment tout ce qu'on peut. Vous voyez, on fait le barbecue, la galette. Bon, il y a une assemblée générale tous les ans, hein, comme pour toute association. Mais c'est vrai qu'on se prend à la fois au sérieux dans notre mission, mais en même temps, on aime aussi faire un peu la fête entre nous et de façon modérée, parce que, voilà, on a des personnes d'un certain âge quand même, mais. Je veux dire, c'est ça, c'est vraiment chaleureux, c'est ce qui ressort le plus, quoi, la chaleur humaine. 17-18 mai, alors le samedi c'est de 14h à 17h et le dimanche c'est de 10h à 16h, je ne l'ai pas dit, mais c'est à la salle polyvalente de Rosières, aux Salines. Vous avez évoqué dans les projets peut-être l'avenir de l'association, peut-être changer de locaux, parce que vous êtes où actuellement? On est en fait au 44 rue Lunéville, dans une salle qui devient un peu trop petite. Et on s'aperçoit que la demande, là j'ai déjà des inscrits pour septembre. Oui. Et si les personnes qui sont déjà dans le groupe restent, et c'est ce qu'on souhaite aussi, ça va commencer à faire des gros groupes. Et le problème de la plupart des associations à but non lucratif, loi 1901, c'est-à-dire qu'on n'est que des bénévoles, c'est de trouver des bonnes âmes qui veulent donner de leur temps. Et donc, on pourrait ouvrir d'autres créneaux, mais après, il nous manque la matière première, c'est-à-dire l'animateur motivé et patient pour accueillir ces personnes, sachant que juste pour résumer, on a quand même 4 cours par semaine, le lundi soir, le mardi, le mercredi soir et le jeudi matin, et des sessions un peu particulières sur certains thèmes. Donc, possibilité de faire plus, donc appel aux bénévoles. Mmh. Hein, vous avez parlé de l'Assemblée Générale, c'est bientôt ? Ça sera fin septembre. Ça sera fin septembre. C'est toujours un lundi, le troisième lundi ou le quatrième lundi de septembre. Pour suivre votre actualité, il y a un site internet ou sur les réseaux sociaux ? On est plutôt sur les réseaux sociaux, hein, Maëlle. Oui, on a un compte Facebook. Ce sera sur Facebook qu'il faudra venir nous rejoindre. Mais avant cela, bien sûr, 17-18 mai, vous voir en vrai, échanger, découvrir un peu cette association et puis vivre de bons moments sur place avec tout ce que vous allez proposer. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Non, comme ça. C'est entrée gratuite. Oui. Voilà, c'est ouvert à tout public. Il n'y a pas de restrictions particulières. Par contre, s'il y a du monde, ils peuvent participer à une tombola. Il y aura une buvette. Il y aura de quoi se restaurer aussi. Et surtout, voilà, on a fait une petite chose assez sympa, c'est que on est aussi dans l'esprit écologie et on reconditionne du matériel. Et là, on a reconditionné du matériel qui, d'après le fabricant, est bon à mettre à la casse. Mm-hmm. Et en fait, on a deux iMac et un PC qui sont reconditionnés et sur lesquels on arrive à mettre des systèmes qui permettent d'avoir un ordinateur au goût du jour, c'est-à-dire qui n'est plus vintage, contrairement à ce que le constructeur veut bien nous faire entendre. Voilà. Donc c'est un petit peu ma petite bataille aussi en tant que technicien que de faire en sorte que on a des matériels de bonne qualité, il ne faut pas les jeter, il y a des solutions. Tout à fait. Merci beaucoup Thierry. Merci Maëlle. Peut-être un dernier mot pour donner envie aux gens de venir, voire de s'investir au sein de l'association Maëlle. C'est juste un moment de partage qu'on va faire là les 30 ans, mais effectivement c'est ouvert à plus tard, on a prévu plein de projets. C'est pas ce qui nous manque les idées, après c'est pour que les gens viennent s'intéresser et voir. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont chez eux qui aimeraient venir voir tout ça et partager des moments avec des gens quelconques. C'est très modeste ce qu'on fait, mais c'est plus pour la valeur de ce qu'on fait qu'autre chose. Venez vous intéresser, soyez curieux, vous le regretterez pas. Merci à vous deux. Merci. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.